J'ai parfois cette voix dans ma tête qui me dit que on pourra toujours m'écouter mais pas me comprendre. Celui en face de moi fera toujours ce qu'il peut. Il aura beau faire ce qu'il veut, il est pas moi. Quand j'étais seul, n'étais pas là. Si t'as pas traversé des déserts de souffrance, pense pas comprendre, gars. Bien sûr que l'empathie est une illusion. On se persuade de ressentir la même chose. Si j'essaye, ressens-tu l'effusion? Hein, dis-moi. Si c'est si facile, dis-moi. Quand les autres voient le monde en couleur, moi ma rétine me le montre en gris noir. J'paye le prix quand l'addition est salée. Dur de dire ce que je pense, j'ai donc dû choisir de moins en moins parler. Je vais m'enfuir loin dans la vallée. Incompris comme le Uchiwa qui, un soir de pleine lune, s'en est chargé. J'aimerais juste encore une fois mettre un peu de soleil dans ta vie. J'aimerais juste encore une fois pouvoir te faire un beau sourire. La lune, la nuit qui ne m'est pas, mais mon pire ennemi, c'est moi. J'pense que c'est moi, mais je le sais pas. Personne n'a de droit, personne n'a de choix. On vit tous dans une illusion de Madara. Personne n'a de droit, personne n'a de choix. On vit tous dans une illusion de Madara. Les jours passent et les mois aussi, hey. Moi j'avance plus et ma tristesse devient nocive, hey. J'ai personne à qui me confier. J'erre comme Brooke sur le bateau Rumba. Au bonheur, je suis pas convié. Bloqué par un Reatsu, je vois que la lueur se fait rare. Les flammes de la Materatsu me consumeront de toutes parts. Et qui sera là pour me sauver? Les héros n'existent pas, mais je me dis qu'il n'y a pas que des mauvais. Donc l'espoir se trouve quelque part. Je le cherche dans l'obscurité. Je manipule pas les ombres, oui, les gens n'ont aucune idée. Si un jour je le trouve, je le ferai renaître pour qu'il vive pour tout. J'aimerais juste encore une fois mettre un peu de soleil dans ta vie. J'aimerais juste encore une fois pouvoir te faire un beau sourire. La lune, la nuit qui m'est pas, mais mon pire ennemi, c'est moi. Je pense que c'est moi, mais je le sais pas. Personne n'a de droit, personne n'a de choix. On vit tous dans une illusion de Madara. Personne n'a de droit, personne n'a de choix. On vit tous dans une illusion de Madara. Mettre un peu de soleil dans ta vie. J'aimerais juste encore une fois pouvoir te faire un beau sourire. La lune, la nuit guide mes pas, mais mon pire ennemi, c'est moi. Je pense que c'est moi, mais je le sais pas.